سيارتي ليست جديدة. لا سيارة سي فيمينان ou سي ماسكولان؟ سي ماسكولان. Regarde. سيارتي. C'est quoi le signe de ouais, t'as mal bouta. T'as mal bouta. Ah non, سيارتي كا. ليس ليس. Non, si on reste avec سيارة. Ouais. C'est féminin ou c'est masculin? سيارة c'est masculin. Tu dis سيارتون là? Ah سيارتون c'est féminin. Allah يبارك فيك. T'as eu ركز. طيب tu diras quoi? ليست سيارتي بجديدة أو جديدة. طيب بارك الله فيك. Tout le monde a compris inchallah. Grand 7 يوجه المدرس إلى كل من الطلاب أسئلة يكون جوابها بالنفي ويرد عليها الطالب مستعملا لست. يوجه c'est-à-dire quoi? Dirige. C'est-à-dire le professeur dirige quoi? Il a كل من الطلاب c'est-à-dire à tous les élèves des questions. يكون جوابها بالنفي. Et la réponse sera quoi? Négatif. En utilisant quoi? لست. طيب أمين أمريكا أنت؟ لا أنا لست من أمريكا. نعم أنا لست من أمريكا. أمريض أنت؟ نعم أنا لست مريضا أو بمريض. أمتزوج أنت؟ لا لست لست متزوجا. Très bien, ou bimutazawijin. A muhandisun anta? La, lestu mudarrisan. Muhandisanat? Vous êtes mudarrisan? Tayyib, barakallahu fik. Iqra al-mithal, thumma adkhil inna ala al-jumal al-atiya. Tayyib, li thalathu akhawatin. Asluhu thalathu akhawatin li. Inna li thalatha akhawatin. Asluhu inna thalatha akhawatin li. Inch'Allah, ce dars, on le verra vraiment bien dans le 3. Tayyib? Mais on va en parler comme ça brièvement. Ici, c'est quoi? Ça concerne Al-Mubtada et Daka Nakira. Souvenez-vous, on avait dit quoi? Al-As, Al-Mubtada, Niyakul, Madaka Kamel. À la base, le Mubtada, il est quoi? Ma'rifa ou Nakira? Ma'rifa. Ma'rifa. Il va s'avérer qu'on verra que le Mubtada, il est Nakira. Et à partir de là, si le Mubtada, il est Nakira, et que son khabar, c'est un Hafjar ou un Zarf, il a le droit de le précéder. Vous avez compris ça? À la base, tu dis quoi? Zaydun fil Beyti. Tout le monde a compris? Zaydoun fil Beyti. Zayd Ma'rifa. Il n'y a pas de problème pour tout le monde. Hein? Zayd, c'est connu, c'est un prénom. Zaydoun fil Beyt. Mohamed Tahta Shajra. Maintenant, si le Mubtada il est Nakira, il peut être précédé par quoi? Un Hafjar. C'est-à-dire son khabar. Tu peux dire quoi? Fil Beyti Rajulun. Vous suivez ça? Mohamed, t'as compris? Fil Beyti Rajulun. Ou Tahta Shajra Rajulun. Pourquoi là on a reculé le Mubtada? Parce que le khabar, ici c'est quoi? C'est un hafjar. Vous avez compris? Ou un dharf? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Qui n'a pas compris? Othman? Bien? Et toi, Idriss? Tout le monde a compris, Inch'Allah? Al-Majid. Celui qui n'a pas compris, il ne faut pas avoir honte. Hein, on est entre frères ici, il ne de... faut pas avoir honte, alhamdulillah, barakallahu fikoum. Wahbi, bien compris? On a reculé le Mubtada parce que le khabar c'est un hafjar. Voilà. À la base, le Mubtada, on lui... c'était quoi sa place? Dans le 1 premier. En premier. Et le khabar, il suit. Vous vous souvenez de ça? Hada wal as. Moi, je ne vous ai jamais dit que le Mubtada sera toujours Ma'rifa. Vous vous souvenez de ça? Je ne vous ai jamais dit ça. Je vous ai dit al as, le Mubtada, n'yakoun Ma'rifa. Wal khabar, Nakira. Mais vous comprenez? Ici, l'exercice, c'est quoi du moins l'œuf? C'est que le fait que le Mubtada, il est Nakira, il l'a reculé. Et pourquoi il l'a reculé? Parce que son khabar, c'est quoi? C'est un hafjar. Vous avez compris ça? Vous comprenez, Hada? Taïb, Inch'Allah. Regardez bien maintenant, on va lire. Il nous a dit quoi? Li thalathu akhawatin. Taï li c'est quoi? Le hafjar, li. Hein? En parlant du alial mutakallim. Taï, il te dit asluhu. Asluhu, c'est-à-dire quoi? À la base, c'était quoi? Thalathu akhawatin li. Mais foum hada? C'est comme si tu aurais dit quoi? Je vous donne un exemple plus simple. Tu dis fil beyti rajulun. Taïb, celui qui veut écrire ça, ça va l'aider. Parce que ça, c'est un exemple plus facile. Parce que là, devant vous, vous avez du modaf, modafilé. Hein, peut-être que ce n'est pas évident pour certains. Mais si tu mets par exemple, fil beyti rajulun, vous avez compris? Rajulun, il est où? C'est mubtada. Limada ukhira liyanu nakira. Vous avez bien compris ça? C'est ça l'exercice. C'est que le fait que le mubtada était indéfini, on l'a reculé. Mais il reste une deuxième chose, c'est quoi? C'est si son khabar, c'est un hafjar ou un jar wa majrur. Sami, mais faut maintenant? Bien ou? Là, ça c'est autre chose. Ça c'est. Ça on verra dans le 3.

مفهوم هذا ان شاء الله؟ طيب تفضل. معناها برقية تيليجرام. نعم الجامعة عفوا برقيات سي بوسيبل جو با برقيات. نعم بس هذيك الجامعة مهند سالم ابخي. طيب الجامعة بندوموندي ابخي الله يبارك. طيب لك ان لك برقيتان في مكتبي البريد. بس ابخني بيان لو مو بارد اي بريد اون باش دوكان تعطيني بريد مفهوم هذا بارد. بارد سي كوا يبا كومبروند لا بواسون فريش. اما مكتب البريد سي كوا لا بوست مفهوم هذا. بارك الله فيكم. لي 1000 دولارين في المصرف سوفون avec inna. دولارين في المصرف. نعم إن لي ألف دولارين في المصرف. سيدي قول ما ستفخاز يا غازي لا بانك تخيب. طيب الكلمات الجديدة لقاء سيدي رنكونتر pas le verbe rencontrer attention hein. Rencontre. نهر جمع أنهار أو فلاف مكتب البريد la poste جيد بون excellent برقية جمع برقيات تليغرام جيب جمع جيوب لا بوش مصرفون مصاريف بنك. طيب quelqu'un une question par rapport à ce dars le mot lequel c'est le les sources ou fleuves. Ah il y a deux sens. Non c'est pas ça, c'est qu'il peut avoir plusieurs traductions. Comment tu l'utilises? Bah, bien. Tout le monde a compris. Pareil, Fadal. C'est pareil. Comment c'est pas là là. Non, non. Tu vois. Parce que pourquoi il serait même dans le sarf là? Ah, mais d'origine étrangère, il faut apprendre à Illa. C'est pas tout ce qui est étranger et même dans le sarf. Non, voilà. Non, mais tu peux répondre, mashallah. Si t'as bien eu le dars dans ta tête. T'as compris ce que je veux dire? Al-Ujma, il faut que ça soit un prénom. Est-ce que c'est un prénom dollar? Maintenant, on aurait appelé un frère dollar, ouais. C'est étranger et en même temps c'est un prénom. Mais faut me hada, c'est-à-dire c'est pas par exemple également tout prénom qui est même un menasarf. C'est prénom plus une des six choses qu'on avait vues. Faut me hada. Barakallahu fikouma ila huna.